بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية وستين soixante-deuxième مسألة قوله تعالى أو آخران من غيركم dans le sens où Allah عز وجل dit ou deux autres ou deux ne faisant pas partie de vous ou deux c'est-à-dire deux témoins ne faisant pas partie de vous dans la sourate du testament lors d'un voyage, pour ceux qui viendront mourir lors d'un voyage. Sourate Al-Ma'ida, verset 106. « Qala, hadhi al-ayatu tadullu ala qabul shahadati al-kuffar ala al-wasiyya fi s-safar. Wa qad ja'at ayatun ukhar tadullu ala khilaf dhalika. » Donc ce verset, ce noble verset en son apparent, montre qu'il faut accepter le témoignage des mécréants lors d'un testament, lors d'un voyage. C'est une situation qui est spécifique. Lors d'un voyage. D'accord ? Qu'on ne trouve pas de muslimine. Ça, c'est une masala, il y a un grand khilaf dessus. Alors que d'autres versets sont venus montrant l'opposé de cela. C'est-à-dire que le kafir, on n'accepte rien de lui. Qu'il l'a dit à Allah, « Innama yaftari al-kaziba allazina la yu'minun bi ayatillah ulaika humul kaziboun. » Seul forge le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, azawajal. Et ceux-là sont eux les menteurs. Les abeilles, verset 105. وقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Ils n'acceptent jamais d'eux un témoignage. Et ceux-là sont les pervers, en parlant des kuffars. Surat An-Nur, la lumière, verset 4. وقوله تعالى وأشهدوا ذوى عدل منكم. Et faites témoigner des gens justes d'entre vous, c'est-à-dire des muslimines. At-Talaq, le divorce, verset 2. وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء. Il dit faites témoigner deux témoins par vos hommes, c'est-à-dire des musulmans, et s'il n'y a pas deux hommes, alors un homme et deux femmes parmi ceux dont vous agréez, parmi ceux que vous agréez comme témoins. Al-Baqarah, verset 282. Donc là, des versets sont connus et il est connu que le kafir c'est pas un adl, il n'est pas juste, son témoignage n'est pas accepté. قال الجواب عن هذا على قول من لم لا يقبل شهادة الكافرين على الإيصاف السفر أنه يقول إن قوله أو آخران من غيركم منسوخ بآية الاشتراط العدالة والذي يقول بقبول طيب donc en premier lieu dit la réponse qui dit que ceux qui voient qu'on n'accepte pas le témoignage des kuffars lors du testament lors d'un voyage ils disent que le fait de dire de choisir deux ne font pas partie de vous, c'est-à-dire deux témoins, cela est un verset qui a été abrogé par les versets qui appellent à prendre des témoins justes, comme les versets qu'on citait à l'instant. Donc certains disent que le verset il est abrogé, que tu ne prends pas de kuffar, c'est-à-dire le verset à la base était effectif, après il a été abrogé par les versets qui disent qu'on ne prend que les gens justes, c'est-à-dire les musulmans. « Wallazi yakul bi qaboul shahadatihima yakul hiya muhkamatun mukhassasatun li'umum ghayriha » وهذا الخلاف معروف ووجه الجواب على كلا القولين ظاهر. Et ceux qui disent qu'on accepte le témoignage de deux mécréants à ce moment-là, ils disent que ce verset il est effectif toujours, il n'est pas abrogé. Mais cependant, c'est un verset qui spécifie les autres versets disant qu'on ne prend pas le témoignage hormis de ceux des muslimines, mais que ce verset-là c'est un cas spécifique. C'est un mukhassas. Il dit que la masala est connue, le khilaf est connu. Et la réponse à ce khilaf, il est clair. C'est-à-dire, les deux calls, on peut y répondre. Amma la call man call inna ma'na callihi zawa adli minkum ay min qabilat al-Mousi wa qawlihi aw akharan min ghaylikum ay min ghayli qabilat al-Mousi min sayr al-muslimin. Farishkal fi al-aya. Donc ceux qui disent en premier lieu qu'il faut prendre des témoins tayeb d'entre vous, c'est-à-dire des témoins de la tribu de celui qui fait son testament. Et la parole qui dit de prendre deux autres ne faisant pas partie de vous, ils disent en fait de prendre deux personnes ne faisant pas partie de votre tribu. Parmi les autres muslimines, vous prenez des gens parmi les muslimines, mais deux personnes n'étant pas de votre tribu. Donc il dit là, dans cette explication-là, il n'y a pas de problème. قال ولكن جمهور العلماء على أن قوله من غيركم أي من غير المسلمين وأن قوله منكم أي من المسلمين وعليه فالجواب ما تقدم والعلم عند الله تعالى. Et la plupart des savants cependant disent que min ghayrikum, c'est-à-dire autre que les musulmans, c'est-à-dire de prendre des koufars. D'accord? De prendre des koufars. Et donc là, la réponse à cela, c'est tout simplement, comme ça a été dit auparavant, c'est un tarsis. C'est un cas qui est spécial. C'est-à-dire, dans le cas du voyage, d'accord? Qu'il faut faire un testament et qu'il n'y a personne, alors on a le droit de prendre deux koufars pour faire le témoignage pour le testament. Ça, c'est le cas également que voit Cheikh Yahya, Fizallah Ta'ala. Donc voilà, la mas'ala citée aujourd'hui. Walhamdulillah bil alamin.